Si tu penses que le bonheur est dans la tête, tu te gourres. J'ai quitté la rue et on m'a dit que je m'en sortirais peut-être du coup. Soit tu cours, soit tu relèves la tête. Écoute, Rifa, c'est Wam. Et je crois pas qu'ils connaissent la bête. Toi j'ai fait des erreurs alors qu'il est faux que je paye la dette. Je veux plus qu'on me prenne la tête, je veux que tu comprennes ma démarche. Addict au jeu, je misais des payes sur des matchs. J'ai perdu à la river et pourtant je pensais que j'étais max. Oublie l'argent facile, le cul posé sur un T-Max. Si tu veux t'en sortir, un conseil, quitte leur intéman. La drogue, l'alcool, non, finis pas comme ces types. J'ai peur, trouve une raison de vivre. Mange les seulement depuis que je suis père. Et ouais, je kick frère, pour le projet de mon refrain. Mista, un whisky frère, un bon pilon et on te refait l'histoire. C'est de l'amitié. Sache que c'est bien plus qu'un feat garçon. Julien frérot, je te remercie pour l'invitation. Même si parfois c'est dur, il faut raviver la flamme. Même s'il y a des matins où j'ai la flemme, je trouve la motive dans les yeux de ma fille et de ma femme. Et si Dieu veut, on atteindra nos rêves. Mes frères, faut-il le mériter? Un pion sur l'échec et qui gratte ses termes avec sévérité, en toute sérénité. Non, sans part de leur casting. On reste figé sur notre sincérité. Avant je voulais marquer mon temps, mais force est de constater que trop souvent ici on juge au teint. Donc je rentre au forceps et non en chuchotant, car j'ai vu trop de gars taper pour finir devant ce juge au teint. C'est sur la prod que je colle mon timbre de voix. Ils ont faim que de gloire. On reste simple, tu vois. Devant l'enceinte tu bats. Un peu d'absinthe tu bats. Y'a des requins, des piranhas. C'est dans le grand poisson que tu nages. Ici pour s'en sortir faut bac plus 5 que tu capes. La pente est raide, tu colles. Avant d'atteindre tes rêves tu cales un peu de zeb et tu plane, ouais, pense à ouais, des dingues qui m'accapent. On veut trahir la porte du steak, ça fait un bail. On nous a pris la porte. Quand je me réveille le matin, c'est là que je passe du rêve au cauchemar. Gros, je marche dans la merde, l'impression que j'ai loupé le cauchemar. Que le chétan fasse des croches pattes. Si la chance est anonyme, c'est peut-être pour ça que je la décroche pas. Même si parfois c'est dur, il faut raviver la flamme. Même s'il y a des matins où j'ai la flemme, je trouve la motive dans les yeux de ma fille et de ma femme. Et si Dieu veut, on atteindra nos rêves. Mes frères, faut-il le mériter? Un pion sur l'échiquier qui gratte ses termes avec sévérité, en toute sérénité. Non, sans part de leur casting. On reste figé sur notre sincérité. Sans arrêt à faire la part des choses. À mesurer le bien du mal. Se cache derrière l'ivresse de quelques pros dans un poème brutal. Un smic à 9 balles de l'heure. Quand j'en crache, sur côté match. Donc comme la page en pleurs. Nous inonde d'images gore et trash. Je voulais surprendre tout le monde. Comme l'arrivée de Digno Barça. Tu peines dans le deal. Mais tous les soirs, t'inales tes grammes sales. Des cales graves refrains. Face à ta mère, ta fille, un coup assis. L'argent facile, c'est faux à 10. Dans l'île, dans des coups par mille. Dans la débrouillardise. Sans balise, t'es d'une coule ton navire. Un cortège, une valise. Tes jours sans pire et t'as rien d'un calibre. Moi, mon seul calibre. Quand je crache mes doux sur fond sonore. Quand j'honore mes consoles qui foutent la merde. Quand mes voyelles somnolent sous Jack Error. Corrige mes erreurs, tout comme Jackie Or. Caricature ma tête, j'm'isole à la manière d'un Capricorne. Y'a pas de doute, quand les dettes t'endettent et donc t'es un tas de fous. C'est grave cool, ici les frères s'enterrent, y'a trop de dates courtes. Alors je m'écarte, car je veux être l'homme de ma fille. Mon oxygène, mon ange, écrire les pages de sa vie. Même si parfois c'est dur, il faut raviver la flamme. Même s'il y a des matins où j'ai la flemme, je trouve la motive dans les yeux de ma fille et de ma femme. Et si Dieu veut, on atteindra nos rêves. Mes frères, faut-il le mériter? Un pion sur l'échec qui grave ses termes avec sévérité, en toute sérénité. Nous, on s'en tape de leur casting. On reste figé sur notre sincérité. Même si parfois c'est dur, il faut raviver la flamme. Même s'il y a des matins où j'ai la flemme, je trouve la motive dans les yeux de ma fille et de ma femme. Et si Dieu veut, on atteindra nos rêves. Mes frères, faut-il le mériter? Un pion sur l'échec qui grave ses termes avec sévérité, en toute sérénité. On s'en tape de leur casting. On reste figé sur notre sincérité. Prisonnier, je me suis sauvé. Ben alors, vous voyez bien? Eh ben alors, ils m'ont repris. Ils m'ont dit, vous êtes prisonnier, votre métier c'est de vous évader, mais nous le nôtre c'est de vous reprendre. Et ils m'ont remis en prison. Et après? Eh ben après, je me suis encore évadé. Vous voyez bien? Oh, je vois très bien. Alors, ils m'ont encore repris. Oh. Alors, je te reprendrai. Pas juré. Pas juré. Allez, viens.